Top chrono, basket. Allez, en deux mots, Jean, on va juste dire qu'on va attendre le résultat face à Orchi et on en saura un petit peu plus sur l'avenir de l'USAP. Du SAP, pardon, parce que l'USAP, on va y venir dans quelques secondes. Restons dans le basket. Du SAP Sorgue Avignon qui pourrait peut-être faire PSAP. Ça, c'est pour l'aspirine. Est-ce qu'ils en auront besoin? Écoute, Fred, je pense qu'il va falloir prévoir une palette d'aspirine. Ça, c'est quelque chose de certain. Si tu veux mon avis, je pense que la descente serait une bonne chose, histoire de remettre tout à plat, de virer une paire de types qui n'ont rien à faire dans ce club et de repartir sur des bases neuves. Et notre ami David Bellucci, les entreprises Bellucci, dont je jette un petit clin d'œil, très amoureux du sport, eh bien, lui aussi, malheureusement, il fait comment dire, Jean Bellucci, laissez-le où il est. C'est vrai que Jeannot, c'est lui qui a créé. Il faisait de la peine. L'autre soir, Jeannot Bellucci, c'est lui qui était à l'origine de ce club-là. Il faisait de la peine, on lui a parlé deux minutes, vraiment il avait l'air touché au plus profond de lui-même. On le saurait à moins, Fred, quand on voit un type arriver et fracasser tout ce que lui a fait précédemment. Merci Président. La suite. Top chrono, handball. Eh bien, l'handball féminin ou féminin, parce que c'est vraiment super, hein, on a toujours quelque chose de fantastique avec ces filles de Mazan qu'on suit depuis des lustres. On a oublié de parler, bien sûr, des filles de la Barbière. C'était un basketball, juste un petit résultat des filles de la Barbière qui sont allées gagner du côté de Venel, 64 à 60. Mais revenons rapidement au handball, on va avoir Carl Vinsonneau avec nous. Jean-Yves se déplacer, un match très important pour la suite de ce championnat de national 3 féminine, mais depuis que Faro, c'est comme ça que ça s'appelle, est revenu à Mazan, et bien on ne les tient plus et elles sont allées faire le job du côté de Bouillargues. Ah, elles ont fait plus que le job, puisqu'elles sont allées faire un match nul chez le voisin Hérolté de Bouillargues. C'est un excellent résultat, hein, 26-26 dans la salle de Bouillargues. Ça les maintient en seconde position, ça les met en seconde position. Et plus que jamais, l'espoir de monter directement est là, quoi. Allez, juste avant de voir Carl Vinsonneau, on va voir avec Marie les résultats de cette 13e journée de championnat en National 3 féminine, la poule 8, les matchs. Alors, Marseille-Nord, hier, 24-28. Bouillargues-Mazan, 26-26. Cagnes-Étoile-Beauvais, 21-28. Grasse-Plan-de-Cuque, 33-28. Lacroix-Bourg-de-Péage, 13-28. Bourg-de-Péage est premier, Mazan second, Étoile-Beauvais, troisième. Allez, Carl, bonsoir Carl. Bonsoir. Alors, Carl, on est très heureux. On voit que la dynamique... Ouais, je crois que la dynamique fonctionne. Je crois que les filles prennent de plus en plus de plaisir. On est, on va dire, pratiquement dans les matchs retour. Hein. On est presque à une fin de championnat. Et je crois que la carburation, bien souvent, c'est là où se révèlent les grandes équipes. On dit toujours en fin de championnat parce que le championnat est usant. Et malheureusement, bien souvent, il y a des équipes qui sont, on va dire, dans le moins, dans le temps. Mais vous, c'est pas le cas. Bon, c'est pas le cas, ça a été un match compliqué quand même samedi parce qu'on égalise, on mène tout le match et c'est nous qui égalisons à 5 secondes de la fin quand même. Tu croyais que ça se passait autrement, Carl? Tu crois que vous attendiez la fin au fusil? Le match pendant 50 minutes, oui, puisqu'on mène tout le long du match quand même globalement. Et puis on pensait que ça allait tenir et puis ça a moins tenu et on prend un 8-0 quand même sur la fin. Voilà, donc bien parce qu'on arrive à se mettre suffisamment loin pour pas perdre le match quand même. Mais moins bien parce qu'on finit pas très bien. Mais bon, voilà, pour l'instant, on est capable d'aller chercher encore ces matchs-là et de trouver les ressources pour aller pour pas perdre. Donc c'est quand même un signe plutôt positif. Mais il faut faire attention. C'est vrai que peut-être certaines ont manqué de rythme là. Donc voilà. Voilà, je suis content parce que on fait un très bon match pendant 50 minutes collectivement sur le projet de jeu. Défensivement, on est très très bon et on perd un peu pire en attaque, on perd beaucoup de ballons sur cette fin de match. Bon, après je pense que c'est un manque de fraîcheur, peut-être des choix de coach pas forcément judicieux à un moment, il faut parfois savoir le dire. Et voilà, donc voilà, je suis quand même content du match nul. ça nous met un point devant l'Étoile Beauvallon, ça nous, on a le, notre destin en main. Et puis voilà, de toute façon, on savait qu'il fallait battre l'Étoile Beauvallon chez elle. Ça ne change rien à la problématique pour l'instant. Ouais, c'est un petit peu la dureté de cette National 3. Hein. Tu sais, le match que tu es en train un petit peu de nous décrire, le film de cette soirée, c'est des matchs qui sont un petit peu pièges où c'est que ça se passe bien, on le prend un petit peu facile. Mais ça, c'est le côté mental, peut-être pour les filles, de voir qu'elles sont tout le temps au score. Et puis, la fin du match arrive, le coaching un petit peu tout, on fait retomber un petit peu la pression. Et puis, tout compte fait, la pression, on revient parce que les joueuses de Bouillargues se réveillent un petit peu en fin de match et presque encore un peu vous faites piéger et vous perdez. Ouais. Bon, elles n'ont jamais trop dormi. Hein. Bouillard, ça reste, c'est une équipe de jeunes, c'est une réserve. La première est première de N1, donc c'est quand même un club formateur et qui a des jeunes filles de qualité. Il y a des internationales et des jeunes internationales, donc il faut pas non plus. On n'a pas pris ce match. On savait que ce serait un match piège, un match difficile. Tu t'attendais à... Le Languedoc, quand c'est des matchs difficiles, un peu tendus, ben, comme parfois nos amis sur le terrain, nos amis les arbitres sont pas forcément... mais ça fait partie du jeu, il faut pas se plaindre, c'est comme ça. C'était à nous de gérer les choses à ce moment-là. Et donc, oui, il y a un peu de tout, et puis on a 3 semaines pour se remettre dans les clous, discuter, remettre les choses à plat, le projet, on sait ce que c'est, le projet de vœux est bien digéré, Donc on sait ce qu'on a à faire, il faut juste qu'on se parle un petit peu, qu'on règle 2-3 choses, qu'on... Il y a 2-3 coups de tournevis sur certaines choses, et puis voilà. Il y a quand même Jean-Yves Kiri, il va prendre la parole, il a des choses à dire. Juste une dernière chose, il y a quand même, il faut quand même un petit peu parler, parce que tu sembles que la fin du championnat arrive, les échéances sont là, et il va falloir remobiliser tout le monde, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu des jeunes qui... La vie de groupe, c'est une vie de groupe, c'est pas facile, il y a des jours avec, des jours sans, la vie de chacune, ça reste des amatrices, on n'a pas des professionnels, il y a le travail, il y a la vie de famille, il y a plein de choses, il y a leur relation entre elles, avec le coach, c'est pas forcément tout le temps facile, même si on gagne, c'est sûrement plus facile que si on perdait, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et il faut se parler, il faut se dire les choses. Moi je suis plutôt pour le dialogue, même si à la fin... le coach décide, j'entends ce que les filles disent, après on fait nos choix, mais il faut les dire, et puis c'est comme ça que ça se passe. Surtout rien cacher, rien garder pour soi, et puis avancer ensemble dans un projet commun. Quoi. Carl, bonsoir Jean-Yves, excuse-moi de te couper. Carl, dis-moi, je suis parti. Tu serais pas devenu un petit peu gourmand, parce que si au mois d'octobre ou en novembre, on t'avait dit que tu serais deuxième au classement derrière Bourg-de-Péage, je t'aurais signé des deux mains, et là tu fais un peu la moue, quoi. Comment ça, je fais la moue par rapport à quoi? Par rapport au résultat de ce week-end, ouais. Si on t'avait dit au mois d'octobre nul à Bouillargues, tu aurais signé demain, non? Ouais, escroc. Alors je pense que celui qui fait le moins la moue dans l'effectif, c'est toi. C'est moi. Ouais. C'est plutôt beau aussi, non? Je pense que les filles l'ont vécu véritablement comme une défaite. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Ouais, c'est plutôt beau aussi, parfait, bien sûr. Je pense que celui qui, à la sortie du match, était... pas le plus satisfait, parce qu'on peut pas se satisfaire de ça, mais qui a relativisé un petit peu par rapport au résultat, c'est sûrement moi. Les filles étaient remontées quand même à la fin du match, et moi je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant il va falloir en parler pour que cette frustration devienne une chose positive, rien de grave, mais il faut le prendre comme un petit signal et se dire, on a les clés en main, il faut les garder en main et pas se disperser, quoi. Ben écoute, c'est bien. Je crois que tu as tout dit. Espérons que, trois semaines, on va être là. Il faut se préparer, il reste 7 matchs, c'est ça? Ouais, 7 matchs, on a un plan de cul, qu'on soit plan de cul. Bon, l'accro, c'est un match qu'on a perdu à l'extérieur, donc on aura à cœur, j'espère,